cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Akhadna fi darsina al-madhi, dans notre dernier dars, akhadna babayn, babul ilm wa babul kalam. Wa dhakara ta'rifan rahmatullah alayhi lil-ilm, il a cité une définition pour l'ilm. Qui c'est qui peut la répéter, Fattal? إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. Donc le contraire ça va être الجهل. والجهل il est على نوعين. عند من؟ النوع الأول الجهل البسيط. الجهل البسيط ما هو؟ عدم الإدراك. نعم عدم الإدراك أي ما يدري. Si tu lui demandes une chose il te dit لا أدري. هذا جهل بسيط. والمركب تفضل. أحسنت. فمثلا tu lui poses une question et il répond avec une réponse fausse et il pense que c'est du ilm, il pense que c'est juste. فهذا جهل مركب. نعم. ثم il a cité les différents niveaux de العلم الظن إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح et الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح وهكذا. On avait expliqué et inshallah c'était compris. ثم باب الكلام تقدم معنا أن هذا الكلام qui est cité في هذا الباب y a pas une énorme فائدة pour comprendre الأصول لكن العلماء ils le citent هنا من باب علماء الحق bien sûr من باب الانتقاد على هؤلاء qui ont قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. فcomprendre هذا الكلام ولو باختصار au départ فطيب حتى ça t'aidera à comprendre certaines choses حتى في باب العقيدة. أما ما يتعلق بالنحو والاسم والفعل والحرف هذا الحمد لله on l'a étudié كثيرا. ثم il a cité من أقسام الكلام الخبر والإنشاء. Il a cité une chose pour les différencier. C'est quoi? Tfaddal. والإنشاء. صدق أو كذب. نعم. فما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب bien sûr لذاته. Ça fait sortir كلام خبر الله سبحانه وتعالى وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته فهذا خبر. مثلا une information أنه il s'est passé telle chose. Ça peut être une vérité, ça peut être un mensonge. Sauf bien sûr la révélation d'Allah سبحانه وتعالى كلها حق. والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. Qui c'est qui peut citer un مثال في الإنشاء؟ قم. فزيد explique. نعم. أحسنت. Quand tu dis à واحد قم lève-toi c'est un أمر. هذا c'est من باب الإنشاء. الإنشاء on avait dit en général c'est un أمر un ordre. Enfin, si tu dis à quelqu'un قم lève-toi est-ce que quelqu'un peut dire tu mens ou tu as raison? لا. فلا يدخل في هذا الباب التصديق أو التكذيب. قم c'est un ordre. إما il va accepter il va se lever إما il va refuser il ne va pas se lever. لكن il ne peut pas dire tu mens في هذا الحال. Le mensonge c'est lié aux khabar, aux informations. فهذا. ثم il a cité باب الحقيقة والمجاز. Qui c'est qui peut citer une خلاصة مختصرة؟ تفضل. يعني هذا ينقسم الكلام على حقيقة ومجاز ليس بسبب. فهذا من تقسيمات أهل البدع. Ils ont قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وإلا في السلف ils ont jamais cité ces deux catégories. Et تقدم معنا أنهم ils ont un مقصد سيء أهل البدع. Avec ce تقسيم ils ont accepté ce qu'ils voulaient, ils ont rejeté ce qu'ils voulaient par rapport à leur passion. Et on a cité le باب de الصفات. وإلا c'est qui peut citer un exemple de حقيقة في الكلام. الأسد. الحقيقة c'est quoi? الحيوان. المفترس, l'animal féroce qui vit dans dans certains endroits, هذا أسد. Ça c'est على الحقيقة يقولون. Et le مجاز تفضل. مثل الرجل جهدا من مثل الأسد. الرجل الشجاع. الرجل الشجاع. Ils disent أسد. Alors que c'est pas un animal. فهؤلاء disent هذا c'est من باب المجاز. وتقدم معنا أن هذا كله حقيقة. L'animal féroce, c'est un lion. Et quand on dit l'homme, c'est un lion à cause de son courage, c'est uslub min asalib al-arab. L'arabe, il parle comme ça. Il se met bab al-haqiqa. Annahu, c'est un lion. Annahu, il est courageux. Il n'y a aucun problème. Les Arabes, ils ont parlé comme ça et comme ça. Amma dire haqiqa et majaz, vous avez compris. Et c'est ça l'essentiel, ça ouvre un bab shar. Annafi bab al-sifat, ils vont dire c'est min bab al-majaz. Comme quand tu dis l'homme c'est un lion, c'est pas un vrai lion, le fait de dire que Allah il a des mains, ils vont dire c'est pas des vraies mains. C'est pour ça que al-muhaqqiqun min ahli al-ilm, ka Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn Qayyim, wa hakada Sheikh Ibn Uthaymeen, wa qablahu al-Imam Shanqiti et autres, ils ont fermé la porte et ils ont dit il n'y a pas de majaz, la fil Quran ou la fil lugha. Et c'est le qawl as-sawab. Thumma il a cité une faïda tayyiba fi al-haqiqa. الحقيقة الشرعية والعرفية واللغوية. On a cité un exemple avec le mot الصلاة. نعم. فالصلاة c'est une حقيقة شرعية لغوية أو عرفية. نعم. فça peut être ماذا الصلاة بمعنى الدعاء. فهنا c'est le معنى ماذا اللغوي. نعم. صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا الصلاة بمعنى الدعاء. Tu vas pas te prosterner pour le prophète عليه الصلاة والسلام et faire la salat qui est connue في العبادة. الصلاة الشرعية بمعنى زيد العبادة qui commence par le تكبير et on finit par le تسليم. نعم والحقيقة العرفية qui c'est qui est un مثال زيد نعم الدابة. ففي العرف c'est quoi نعم. Et normalement, le tarif, c'est quoi? Al-haqiqa al-lughawiyya? Na'am. Kulluma dabba ala al-ard. Ou yadub ala al-ard. Tout ce qui marche sur terre. Que ce soit un animal, un être humain. C'est minad dawab. Lakin, urfu al-nas. Et c'est ça l'haqiqa al-urfiyya. C'est connu l'an inda al-nas. Anna dabba, c'est pour un animal. Parce que tu l'emploies pour autre qu'un animal, robama, ils vont mal le prendre. Hada, c'est un point très important. Et on répète هذه الأبواب التي تقدمت. فالحمد لله, celui qui a retenu certains points, فطيب, celui qui n'a pas tout retenu, فالأمر سهل. C'est pas lié directement au, à notre livre, au sujet, à l'usul, les fondements du fiqh. لكن c'est طيب de connaître هذا. لماذا؟ لأن dans d'autres livres de fiqh, quand tu vas relire ou si tu veux enseigner ce genre de livre, tu dois comprendre هذا. Tu vas pas passer les أبواب là. Si tu étudies le fiqh, si tu étudies plutôt ce livre, tu dois l'étudier, l'enseigner du début à la fin. C'est طيب de connaître هذه المعلومات. قال رحمه الله الأمر. هذا c'est un باب مهم. Il est lié directement au fiqh et à usul le fiqh. C'est pour ça que l'ulama il le cite en général au départ. الأمر. أي, tu peux traduire par un ordre. Fait telle chose. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعريفه الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. قول, donc c'est une parole. يتضمن طلب الفعل, pour demander de faire une chose. مثلا lève-toi. C'est bien un qawl, tu dis lève-toi. Et c'est yatadaman talab fi'l. C'est quoi ce fi'l? Le fait de se lever. Un frère qui est assis, je lui dis lève-toi, c'est un amr. Et il doit se lever. Ala wajl isti'la. On verra ala wajl isti'la. Aïe, mathalan, le professeur à son élève, le père à son fils. Est-ce que le fils il peut donner un ordre à son père? On verra cette mas'ala fi qawlihi ala wajhi al-isti'la. فرتني هذا التعريف هي ونقول هذا الكتاب اللي نفيس جدا. لماذا؟ لأن كل باب يسيت ان تعريف طيب Et ce ta'rif, c'est ta base. Si tu l'as compris, tu verras que, bien sûr, tu vas comprendre le sens du chapitre que tu étudieras. Mathalan huna al-amr, tout ce qui est lié aux ordres. Et kadhalik, tu vas faire sortir certaines choses avec hada ta'rif. Et c'est ça l'ilm. L'ilm, c'est al-ta'rif wa al-dawabit. Enfin, si tu as compris ce ta'rif en quelques mots, une phrase, tu vas fonder toutes les masaïles qui sont liées au amr à la hada ta'rif par rapport à cette signification, cette définition du amr. On répète qawlun yatadamman talabul fi'l ala wajhi al-isti'la mitl aqimu s-sala wa atu zaka. Aqimu, c'est un qawl. Si tu cites le verset du Coran Karim, c'est la parole d'Allah, aqimu s-sala wa hakada atu zaka. Et at-talab, c'est quoi la demande? C'est un ordre de quoi? De faire as-sala. Et de faire un acte, hakada zakat, de donner de l'argent pour telle catégorie de personnes. Lillahi azza wa jalla. Qala fa kharaja bi qawlina qawlun al-ishara fala tusamma amran wa in afadat ma'naha. Hada fi istilah al-usuliddin. Faut bien comprendre que hada al-bab, c'est al-amr ay min hayth al-aqwal. C'est pour ça qu'il va citer Sir al-Amr, les différentes façons de prononcer un ordre. Donc, هنا, on est fil aqwal. Wa illa, fa kama qala Cheikh al-Uthaymeen, al-ishara la tusamma amran ay 'inda al-usuliyyin, lakin qad tufid al-amr. Ça peut être un ordre, fil haqiqa. Fa mathalan, hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith Aisha radiyallahu anha, أنه أشار إلى أصحابه أن يجلسوا كما في الصحيح أشار لأصحابه في الصلاة أن يجلسوا quand il s'est assis في الصلاة عليه الصلاة والسلام وأشار إليهم أن يجلسوا il a fait un signe de la main asseyez-vous ils se sont tous assis derrière lui c'était lui l'imam عليه الصلاة والسلام فهذا هذه الإشارة ce signe de la main c'est un amr la preuve ils ont tous obéi ils se sont assis لكن شيخ ابن عثيمين Rahmatullah alayhi, il connaît bien sûr ce hadith et ashara ilayhi huna qala wa in afadat ma'na. Lakin 'inda al-usuliyyin, c'est pas un ordre, un ordre 'inda al-usuliyyin, c'est forcément avec une parole. Fais telle chose, lève-toi, demande, sors. Tout ça c'est des awamir 'indahum. Wal amr sahl. Et tu trouveras ba'd al-ulama qui diront an al-amr s'englobe le qawl wal ishara, ils se baseront sur ce hadith. Ils se baseront sur ce hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est un qawl tayyib. وعلى كل حال قوله هنا فخرج بقولنا قول على اصطلاح الاصوليين. D'après les savants du fondement du usul. وإلا on a un hadith qui montre qu'on a un signe, ça peut être un ordre. وهكذا انت, tu peux donner un ordre à ton enfant avec ta langue, avec une parole. مثلا tu lui dis sors de la chambre, c'est un ordre, il va sortir. Ou tu peux lui faire un signe avec la main de sortir. Et il va comprendre, il va sortir. Ta parole et ton geste, c'était pour cet ordre, le fait qu'il sorte. قال وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك. Et c'est le prochain bab, inshallah ta'ala, qu'on verra ensemble, bab النهي. Donc quand c'est pour faire, c'est un amr. Quand c'est pour ne pas faire, c'est النهي. Aïe, délaisser une chose. والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به نعم فيشمل القول المأمور به نعم فقوله طلب الفعل مثلا إلى ستيل إكزامبل دو الصلاة أقيم الصلاة سي لو فيت دو فير سيت صلاة فلا بد الإنسان يبا فير أولا لي il va respecter les conditions de cette salat, at-tahara, mathalan, il va faire les ablutions, il va se mettre en direction de la qibla, et il va faire la salat jusqu'à la fin. Si il fait hadha al-fi'l, il a respecté cet ordre. Qala wa kharaja bi qawlina ala wajhi al-isti'la, al-iltimas wa ad-du'a wa ghayrihima mimma yustafad min sighati al-amr bil qara'in. Qawluhu wa kharaja bi qawlina ala wajhi al-isti'la, al-isti'la c'est ala wajhi at-tarafu'. Aïe, mathalan, le père à l'enfant, le shaykh à son élève. C'est ça, ala wajhi al-isti'la. Wa ba'duhum, yaqul ala wajhi al-isti'la, aïe, bi sawt murtafi'. Ça peut être matalan de quelqu'un qui est entre guillemets plus bas qu'un autre. Il a un rang moins élevé, lakin bisawt murtafi'. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس. Si tu as compris قوله على وجه الاستعلاء فالالتماس, ça sera على وجه مساو. أن يكون الطلب من مساوي. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux ont le même rang. Maintenant, un élève, il donne un ordre à un élève. Ça ne s'appelle pas Amr, عِنْدَ هَؤُلَا الْأُصُولِينَ. Ça s'appelle Iltimas. Tu vas dire, maintenant, à ton frère, écarte ton livre. Maintenant, ton livre, il est à côté de lui, le jeune, tu vas dire, écarte ton livre. عِنْدَهُمْ, ce n'est pas un ordre. لِمَنَا لِيَنَا, il a le même rang que toi. Ça s'appelle Iltimas. وَالدُعَى. الدُعَى, c'est الطلب من أدنى إلى أعلى. الدعاء سأطلب من أدنى إلى أعلى. مثلا on demande à Allah سبحانه وتعالى. Tu dis يا رب ارحمني. ارحم c'est un ordre linguistiquement. ارحم c'est un فعل أمر. ارحم c'est comme اذهب, c'est comme اخرج, sort. لكن في حق الله عز وجل on l'appelle دعاء, on l'appelle pas أمر أبدا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui donne les ordres. في حق المخلوق on l'appelle comment؟ un autre mot هنا استعالة. لا, ça c'est في حق الله. Ça peut être dans certains cas السؤال. السؤال مثلا l'élève il demanda à son professeur, l'enfant il demanda à son père. Ça ne va pas être un amr, ça va être un su'al. فعلى كل حال, الامر هنا, c'est على وجه الاستعلاء. Et الاصوليون, en général, ils vont employer هذا الامر, vu que c'est اصول الفقه, celui qui donne les ordres في الفقه, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلى وجه الاستعلاء, en général, ça sera des ordres que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le Coran al-Karim, ou il a révélé à son prophète alayhi salatu wassalam, pour que al-ibad il les applique. Qala wa kharaja bi qawlina ala wajh al-isti'la al-iltimas wa ad-du'a wa ghayruhuma mimma yustafad min sighat al-amr bil qara'in wa sayati ba'd hadha. Si tu as compris hadha at-ta'rif, donc qawlun c'est une parole. Il y a une parole pour ordonner de faire une chose. Ça fait sortir une parole pour ordonner de délaisser ou pour interdire. Ne fais pas telle chose. Ça, c'est un nahi. Ça sera le prochain bab. Ça te montre un al-amr ou un nahi. C'est deux chapitres qui vont ensemble. C'est pour ça qu'ils sont cités. Al-amr, c'est pour faire. Al-nahi, c'est pour ne pas faire. Ala wajh al-istidla, al-isti'la, fataqaddam. Ay, min al-a'la ila al-adna. Mathalan. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à ses serviteurs. Maintenant, le cheikh, il ordonne à ses élèves. Maintenant, le père, il ordonne à son fils. Wahakada. Seulement, il a cité Siyarul Amr. Wahada, c'est très très important. Limada. As-Siyar, le singulier, c'est Sira. C'est la formulation. Wahada, c'est tayyib pour toi, li anna, fil Qur'an, wa fil Sunna, il y a beaucoup d'awamir. الأمر بإقامة الصلاة بإيتاء الزكاة بالحج بالجهاد بالأمر بالمعروف بعبادة الله وحده لا شريك له beaucoup d'awamir في السنة كذلك. هذه الأوامر, ces ordres, ils sont formulés de différentes manières. Et ça c'est important à savoir. حتى أنت en tant que عبد, quand tu lis le Coran الكريم ou tu lis des hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est pour appliquer. Quand il y a un amr, tu es concerné. Maintenant, if'al kada, ou nahi kadalik, la taf'al kada, tu es concerné, tu dois faire ou ne pas faire. Pour savoir, tu dois connaître as-siyar, et les différentes formulations, hatta quand tu lis, tu sais, est-ce que c'est un ordre, amla. Thumma, cet ordre, et c'est le prochain point, est-ce que c'est une obligation, amla. Quand tu auras compris, tu sais c'est quoi un ordre. C'est une demande de faire une chose. C'est ça un ordre. Tu dois faire telle chose. Est-ce que le fait de dire tu dois faire, est-ce que c'est obligatoire ou pas? C'est le prochain point. Tu as un autre point très important. Est-ce que tu dois le faire tout de suite ou pas? Est-ce que tu dois le faire tout de suite ou pas? Enfin, c'est ces points. C'est babul amr. Et c'est très très important pour At-Talib. Il arrive à déduire des ahkam quand il lit Al-Qur'an ou Sunnah. Il a cité quatre formulations. La première, fi'lul amr, c'est la plus connue et c'est la plus répandue dans les textes. Mithl utlu ma uhiya ilayka min al-kitab. Qawluhu utlu, le masdar c'est tilawa, c'est récité. Huna c'est un amr. Utlu, ay récite ma uhiya ilayka min al-kitab. Amrun bi tilawati al-Qur'an. Utlu. Donc le fi'l est wa. Et كذلك les exemples auparavant, aqimu as-salat. Aqimu as-salat, c'est un amr. Et fi'l al-amr taqaddam ma'ana fi an-nahw. Yunsab 'ala mada aw yujzam 'ala mada, tout ça taqaddam ma'ana. Qala thaniyan ism fi'l al-amr. اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة تسا سدي مسائل لغوية فعل الأمر اسم فعل الأمر المصدر المضارع تسا تقدم معنا في النحو et vous voyez encore une fois le lien entre la langue arabe خاصة النحو et أصول الفقه c'est lié لأن celui qui ne comprend pas c'est quoi un فعل الأمر c'est quoi un اسم فعل الأمر on ne pourra pas tout détailler. Ce n'est pas un livre de Nahou qu'on fait ensemble, on l'a déjà détaillé. Lakin, les frères qui nous suivent, qui nous écoutent et qui n'ont pas étudié Nahou, ben, Inch'Allah, on va essayer de simplifier. Et à la fin du dars, ils auront compris. Lakin, ils n'auront pas compris comme celui qui a étudié un Nahou. Et ça, ça nous montre l'importance d'avoir des bases dans chaque ilm. Des bases dans l'usul, des bases dans un Nahou, des bases dans le mustalah. Bien sûr, des bases dans le tawhid, le fiqh, l'aqida, il a akhiri, hatta tu arrives à comprendre kalam ahlil ilm quand tu lis. Et c'est ça notre but dans ces doros du samedi. De faire un matn, un asl dans chaque fan, hatta insha'Allah ta'ala, quand on étudie le fiqh, l'aqida ou autre, alhamdulillah, on a des bases dans tous les domaines. Fa fi'lul amr, c'est, ils traduisent par l'impératif. Aïe, fais telle chose. Ou sors, ou assieds-toi, ou lève-toi. Fi'l al-amr, il est ma'rouf. Un ordre. Ismu fi'l al-amr, mitl hayya ala salat. Vous avez remarqué que huna, c'est un ism fi'l al-amr. La différence entre fi'l al-amr et ism fi'l al-amr, comme a dhakara Cheikh Ibn Uthaymeen fi sharhihi, qala, al-furq bayna fi'l al-amr wa ism fi'l al-amr, anna ma yiqbal al-alama. Aïnoun al-tawkid waya al-mukhataba. Si il accepte noun al-tawkid waya al-mukhataba, c'est un fi'l amr. T'as de courant, un fi'l amr, il accepte. Il accepte, matalan, ya al-mukhataba. Tu dis qoumi, tu dis idhabi, quand c'est le féminin, à une fille, matalan. Idhabi, qoumi, jlissi. Il accepte bien ya al-mukhataba. Et hakada noun al-tawkid. Qala. S'il accepte nous le tawkid wa ya al mukhataba, c'est un fi'l amr. Donc tu reviens à la première sira, à la première formulation. S'il n'accepte pas ces deux alama, c'est un ism fi'l amr. Matalan hayya ala salat, tu peux pas rajouter ya al mukhataba, ou tu peux pas mettre nous le tawkid. Là, ça reste hayya ala salat, c'est un ism fi'l amr. Hada raji' cette faida fi في شرح شيخ ابن عثيمين مثلا قوله الى ستة مثال اضرب est-ce que c'est un فعل امر او اسم فعل امر tu regardes est-ce qu'il accepte les alama اضربي واضربن donc c'est bon tu vois qu'il accepte les deux alama tu dis forcément c'est un فعل امر on peut citer un autre exemple qui est répondu à اسم فعل امر même si à la base c'est pas un اسم فعل امر لان اسم فعل امر il tu peux les diviser en deux catégories. Il y a une autre catégorie, c'est à la base un jar ou un majrour, mais c'est devenu un ism fi'l amr. Alayka. Alayka. Alayka bi kada. Alayka bi kada, c'est un ism fi'l amr, wa yufid, bien sûr, que c'est un ordre. Alayka bikada, alaykum ou alayki. Ay ilzamhu. Je te dis maintenant, alayka bi fi'l kada. Alayka maintenant bi al-muhafaza ala salatik. Alayka, huna c'est ay ilzam. Ilzam, c'est un fi'l amr. Ilzam. Ay هذه الصلاة وحافظ عليها فعليك سبي معنى اسم فعل أمر أو اسم فعل أمر كي يفيد الأمر حي على الصلاة أي يقبلوا إليها quand le muadin dit حي على الصلاة حي على الفلاح il traduit par venez faire la salat c'est comme un أمر c'est un أمر et c'est un اسم فعل أمر le troisième المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. Vous avez remarqué que قوله فضرب c'est un أمر. يفيد الأمر. فإذا لقيتم الذين كفروا et si vous rencontrez le kuffar, الآية c'est في باب الجهاد فضرب الرقاب. Et frappez leur cou. Vous avez remarqué que la traduction en général ils vont dire frapper. Ils ne vont pas traduire فضرب en tant que nom. Là, ils vont le traduire en tant que amr. فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَبُ أي سبي معنى فضربوا فضربوا الرقاب. فهنا المصدر كما قال النائب عن فعل الأمر أي بمعنى فعل الأمر فقوله فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَبُ أي فضربوا رقابهم أي فخبلي. قال الرابع المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله لتؤمنوا بالله ورسوله. Dans cette nusra il y a une précision surat al-mujadala. Mais dans d'autres nusra il y avait le verset min surat al-fath. Et c'est pas pareil. Surat al-fath c'est l'âme al-ta'lil comme il a précisé Cheikh Ibn Uthaymeen. Mais هنا ils ont corrigé فطيب. على كل حال لتؤمنوا بالله ورسوله المضارع هنا il est مقرون بلام الامر اي الإيمان بالله ورسوله c'est obligatoire et on doit tous croire c'est un ordre les tu'minu et vous devez tous croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager عليه الصلاة والسلام. قال وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen هنا il a cité quatre formulations la plus connue bien sûr فعل الأمر c'est un فعل qui montre l'ordre. Lève-toi, assieds-toi, sors, il a akhiré, comme taqaddam. Ism fi'l al-amr, ça ressemble. Et il est beaucoup moins répandu que fi'l al-amr. Al-masdar al-na'ib an fi'l al-amr, kadhalik. Et al-mudari' al-maqroun bilam al-amr. Léanna l'âme, elle a plusieurs ma'ani. Minha l'âme al-ta'lil, al-tamlik. Et il y a un l'âme, c'est l'âme. C'est l'âme pour l'ordre. Et hada l'âme, il rentre à la fi'l al-mudari', sur le verbe au présent. Mitla huna, li tu'minu. لتؤمنوا. Vous avez remarqué que حذف النون. Pourquoi? Parce que c'est devenu un amr. Et هذا ولله الحمد. Celui qui a étudié النحو, ça sera beaucoup plus simple pour lui. وقد يستفاد قال طلب الفعل من غير صيغة الأمر. Ça c'est une faïda muhimma. Ne pas comprendre أن les ordres tu les auras que dans les formulations qui est un ordre. مثلا افعل أو اسم فعل الأمر ou autre, les quatre qu'il a cité là. Tu peux déduire ou tu peux comprendre un ordre autre ou d'autre que ces quatre formulations. قال مثلا ou قال مثل أن يوصف بأنه فرض. Si c'est un فرض, donc c'est un ordre. C'est une obligation de le faire, c'est un ordre. Et là, c'était des exemples, le hashia. On les prenez le hashia, la même page. قال علق فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله. Et il a cité un exemple pour chaque nawa. فَقَوْلُهُ مِثْلَ أَنْ يُوصَفْ بِأَنَّهُ فَرْضْ قَالَ مِثَالْ مَا وُصِفَ بِأَنَّهُ فَرْضْ قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَاعْلَمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسْ صَلَوَاتْ قَوْلُهُ فَرَضَ. Quand tu as dans un nas le mot فَرْضْ c'est comme le mot wajib, l'obligation. فَقَوْلُهُ قَدْ فَرَضَ c'est comme si tu disais قَدْ أَمَرَهُمْ bi khamsi salawat. Vu que c'est un fard, c'est une obligation, donc forcément C'est un ordre de les faire. Vous avez remarqué qu'on n'a pas une des siyaq citées, les quatre formulations. Lakin, du mot fard, tu comprends que c'est une obligation, donc c'est un ordre pour chaque musulman et musulmane de faire, mathalan, ces cinq salawat. Qala qawluhu wajib, aw wajib. C'est le même sens, fard wal wajib, c'est le même sens. مثال ما وصف بأنه واجب قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم واجب أي chaque مسلم bien sûr les hommes qui vont assister à la salat ceux qui vont assister à la salat الجمعة c'est واجب qu'ils fassent الغسل نعم فغسل الجمعة واجب على كل محتلم. Donc c'est un ordre. Celui qui veut faire salat al-jumu'ah, ben si c'est un homme, il doit faire salat al-jumu'ah, c'est une obligation. Fakadhalik, se laver avant, c'est une obligation. Et bien, al-muhim huna, c'est que hadha al-ghusl, il soit bihadhihi an-niyya. Il y en a le ba'd, ils font le ghusl le vendredi, et ils n'ont pas an-niyya. Leur intention, ce n'était pas pour le jumu'ah. Obama, il a oublié qu'on était vendredi. Et il s'est lavé. Imma parce qu'il avait besoin de se laver, imma parce qu'il faisait chaud, imma parce qu'il est rentré du travail. Là, هذا الغسل, il doit être accompagné de cette intention. إنما الأعمال بالنيات. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة. C'est pas un autre. Si quelqu'un fait un غسل et son intention c'est pour autre que الجمعة, maintenant il a fait du sport, ou il a travaillé, ou il avait besoin de se laver, ou il faisait chaud, il n'est pas considéré avoir fait هذا الغسل. Là, t'es obligé d'avoir cette intention. Amma si tu as l'intention des deux, maintenant l'un il a fait du sport vendredi matin. Au moins il se lave, bien sûr, parce qu'il a fait du sport, et en même temps il a la niya kadhalik parce que c'est le vendredi, il va aller en salat. Fahad alhamdulillah. Tu as le droit d'avoir plusieurs intentions pour un amal, pour une œuvre. Amma celui qui n'a pas l'intention du tout, fahad ala. Fahad ala. Et kathirun minan nas, yaqa'una fi hadha al-khata. Thumma après le jumu'ah, il se rappelle, annahu na'am, il a fait le ghusl. Lakin c'était pas ghusl pour le jumu'ah. هذا فيه نظر فالإنسان ينتبه. Le vendredi fait le ghusl. لماذا؟ لأنه c'est le ghusl pour le jumu'ah. Et si il a une autre intention pour se nettoyer parce qu'il fait chaud, هذا لا بأس. Il y a aucun mal. Troisièmement, قال أو مندوب. قال مثال ما وصف بأنه نعم. Il a pas cité le mandoub. Il a cité directement الطاعة. نعم. أي لماذا لأنه سيأتي معنا لا مسألة إسك سواجب أم لا أما المندوب نعم المندوب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم nous a encouragé de faire telle chose مثلا قيام الليل ou autre ça veut dire que ça peut être un أمر لكن إسك سي un أمر للواجب لا لأنه on est dans le mandoub وهذا لعله ولا passé سيأتي معنا quand on expliquera إسك سواجب أم لا لكن المندوب on est encouragé de le faire. C'est comme un ordre, lakin c'est pas mimbab al-wajib. C'est pas obligatoire là. C'est un ordre mimbab al-istihbab, ay recommandé. Qala aw ta'a. Qala mithal ma wusifa bi annahu ta'a, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man ata'a amiri faqad ata'ani. Man ata'a amiri faqad ata'ani. Huna, na'am. Ka'annahu al-amira, na'am, fi as-safar. Celui qui obéit au amir fi as-safar. فقد أطاع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك celui qui obéit au amir fi ta'atillah fa il a obéi au prophète عليه الصلاة والسلام. Vous avez remarqué on a قوله أطاع ça vient du mot ta'a فهنا c'est un ordre. من أطاع أميري فقد أطاعني يفيد الأمر. Donc c'est un ordre d'écouter l'amir. ومثال ما أو on lit le متن قبل ذلك أو يمدح فاعله أو يذم تاركه. قوله يمدح فاعله المدح c'est مثلا celui qui fait كذا c'est quelque chose de bien celui qui fait كذا c'est quelque chose de bien فهذا المدح يفيد الأمر أي الأمر بفعل هذا الشيء avec l'exemple ça va être plus clair. قال ومثال ما مدح فاعله قوله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل سنمتكو أن هذا المدح نعم الرجل سنمتح مدح النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر Et il a montré ni'ma ar-rajul. Et c'est un homme bon. Rajulun salih, c'est un homme pieux. Lakin, qala an-nabi sallam, ni'ma ar-rajul Abdullah ibn Umar, law kana yaqum min al-layl. À cette époque, il faisait pas qiyam al-layl. Donc ça te montre quoi? Anna hadha al-madh fi al-haqiqa, c'est comme si c'était un amr pour la ibada que c'était. Ni'ma ar-rajul Abdullah ibn Umar, law kana yaqum min al-layl. Et هنا الامر c'est pas l'wujub. Yani qiyam al-layl c'est pas obligatoire. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que qiyam al-layl c'est quelque chose de mamdouh. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité Abdullah ibn Umar, c'est un homme pieux, mais si seulement il faisait qiyam al-layl, ça nous montre que qiyam al-layl c'est quelque chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aimait. Si c'est quelque chose qu'il aimait, c'est comme si c'était un ordre de le faire. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Ça dépend de l'ibada. مثلا dans ce hadith, c'est pas obligatoire qiyam al-layl. قال او يذم تاركه, c'est le contraire. يمدح فاعله, c'est celui qui le fait, c'est quelque chose de bien. يذم تاركه, celui qui délaisse, c'est pas quelque chose de bien, quelque chose de mauvais de délaisser telle chose. Il a cité comme مثال, قال ومثال ما يذم تاركه قوله صلى الله عليه وسلم من ترك الرمي بعدما علم الرغبه عنه فانها نعمه كفرها. نعم, le fait de délaisser ar-rami, et le tir. فمن ترك الرمي, celui qui délaisse le tir après avoir appris comment tirer, فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها نعمة كفرها. Ça nous montre أن le fait de délaisser هذا الأمر c'est quelque chose de مذموم. فقوله أو يذم تاركه, ça nous montre que apprendre ar-rami c'est quelque chose de طيب. Ça rentre fil amr. Est-ce que c'est obligatoire? Même là, ça dépend de la situation. C'est la conséquence des deux premiers qu'on vient de citer, ou des deux qu'on vient de citer. Si c'est quelque chose de bien, et celui qui fait telle chose, il aura une récompense. Si c'est délaisser quelque chose de bien, le fait de délaisser, ça peut être la conséquence d'un châtiment, al-iqab. Il a cité comme exemple مثال ما رتب على فعله الثواب قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه به عشرة. تأملوا la récompense. Celui qui fait salat sur le Nabi صلى الله عليه وسلم une fois, فالله سبحانه وتعالى يصلي عليه عشرة. الصلاة هنا c'est بمعنى الدعاء. Donc cette récompense, la shak, ça va impliquer l'ordre de faire salat sur le Nabi عليه الصلاة والسلام. Quand son nom il est prononcé, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Ou, à certains moments, c'est une sunna. Mathalan yawm al-jumu'ah. C'est une sunna de salli ala nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui salli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam une fois, Allah subhanahu wa ta'ala yusalli alayhi ashra. Fatastafid min hada, c'est comme c'est un ordre pour toi de le faire. Est-ce que c'est obligatoire, amla? Ça dépend. Amma, une fois, fala shak que c'est. فلا شك سي مشروع سي مأمور به. قال ومثال ما رتب على تركه العقاب قوله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. تأملوا, الجمعة سي obligatoire pour les hommes. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع, celui qui en délaisse trois, celui qui délaisse trois fois le جمعة تهاونا, ça fait sortir celui qui a des excuses, le malade, le voyageur, il a akhiré. C'est ça l'iqab. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que assister le Jumu'ah, c'est un ordre. Tu dois assister. Et bien sûr, on a l'ordre, c'est l'obligation. C'est un kalam mufid. Et là, vous commencez à voir le lien direct entre l'usul et le fiqh. مثلاً, l'ulama cite souvent une mas'ala qui est citée هنا. Ghusl al-Jumu'ah. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Dans tous les kutub de fiqh, dans le chapitre de l'Jumu'ah, tu trouves هذه المسألة. قوله غسل الجمعة واجب, tu as un lafz هنا qui montre bien sûr الوجوب, قال واجب, et كذلك qui montre que c'est un ordre. Et سيأتي معنا أن la base de l'ordre c'est que c'est une obligation. Et هنا tu as lafz de الواجب. Donc là, شك أن القول الصحيح c'est que c'est obligatoire. Après avoir cité السياق, al-tartib il est important et ça va vous faciliter à comprendre. Il y en a au départ, vous avez remarqué que le livre il est mukhtasar jiddan, même pas 100 pages, et Cheikh Ibn Uthaymin il a cité la plupart des abwab de al-usul, et en fait il a compressé Al-kalam, chaque phrase, tu as beaucoup de masa'il. Chaque mot, tu as des choses, tu peux déduire. Donc ça peut être compliqué pour certains frères au départ. C'est pour ça qu'on essaye de simplifier au maximum, de ne pas citer les divergences il a akhiré. Et ce qui va t'aider à comprendre, Akhil Karim, c'est de bien suivre l'ordre. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a un ordre, il y a dans le kitab. Il cite Aboulan un ta'rif, c'est ta base. Tu as quelques fawa'id. Le qawl, ça fait sortir l'ishara, talab al-fi'l, ça fait sortir al-tark, il a akhiré. Tu as maintenant, il a cité al-siyar, les formulations. Si tu as ces formulations, en fait, tu pourras appliquer la définition que tu es obligé de faire cette chose. Est-ce que, ou tu dois faire cette chose, est-ce que c'est une obligation? Quand tu as compris un siyar, tu as quatre siyars qu'il a cité qui montrent l'amr, et kadhalik, il a cité une faïda, c'est un ordre, et ce n'est pas forcément les quatre formulations. Matalan, al-wujub, ou al-fard, et kadhalik, quand c'est bien de faire telle chose, ou il ne faut pas délaisser cette chose, ça montre que bien sûr, c'est un ordre de l'affaire. Thumma, après avoir cité hada, tu peux te poser la question, est-ce que Al-Amr, c'est une obligation amla? Quand tu as un ordre, fais le Coran ou fais le Sunnah, est-ce que c'est une obligation de faire, d'appliquer cet ordre amla? Il va citer le Qawl Sahih. Deuxième masala, on répète, est-ce que tu dois faire directement ou tu peux attendre? Mathalan, masalatul Hajj. Walillahi ala al-nas, Hajjul Bayt. Enfin, Amr. Bien sûr, c'est une arcane à l'islam, c'est une obligation une fois dans la vie. C'est une obligation, c'est clair. Est-ce qu'on doit faire le hajj quand on a l'argent? Maintenant, tu as de l'argent, on est fait شهر ربيع الثاني. Tu as les moyens. Tu as de l'argent, alhamdulillah. Est-ce que tu dois te préparer pour le prochain hajj? C'est une obligation? Ou tu peux attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'essentiel, tu le fais une fois dans ta vie. هذا سيأتي معنا. Donc, si tu as compris ces quatre choses, la définition, as-siyar, est-ce que c'est l'il-wujub? Est-ce que c'est l'il-fawr? Alhamdulillah, tu auras compris هذا الباب. Et hakada, vous réviserez. Tu révises le ta'rif. Thomas, tu révises le siyar avec la fa'ida. Certaines choses, ça peut sortir de ce siyar et c'est un ordre. Thomas, tu révises, est-ce que c'est obligatoire? Amla, l'ordre. Et tu révises, est-ce que c'est al-fawr? Al-fawr, c'est directement amla. Qala rahimahullah, ma taqtadih, siratul amr. Si tu as un amr, un ordre, fil Qur'an wa sunnah, ça va impliquer quoi? قال صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. Il a cité les deux مسألة. La base dans l'amr, c'est que c'est obligatoire. قوله عند الإطلاق, il est مهم. لماذا؟ لأنه أحيانا tu as une قرينة. Une قرينة, c'est, tu peux traduire par un indice, par une chose qui montre que ce n'est pas obligatoire. Tu sortiras de l'obligation. Lakin, tu as une base. Tu as une base. Quand tu as un amr, à la base, c'est que c'est obligatoire. Si tu as une chose qui montre que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas obligatoire. هكذا الفورية قوله بفعله فورا. الفور, c'est tout de suite, directement. La base, quand tu as un ordre, c'est que tu dois l'appliquer directement. Tu ne dois pas attendre. Sauf si, bien sûr, il y a une qarina qui montre que ça peut attendre. Cheikh Ibn Uthaymeen va détailler qalilan. Qala siratul amr inda al-itlaq. Inda al-itlaq ay bidun qarina. Il n'y a pas quelque chose qui fait sortir al-amr de sa base. C'est ça l'itlaq. Donc la base, c'est deux choses. C'est une obligation et on doit l'appliquer directement. Qala famin adillati ala annaha taqtadi al-wujub. قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم هذا استدلال طيب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر من؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام فليحذر. Ça, c'est une menace. Et que ceux qui khalifent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils prennent garde. Ils prennent garde de quoi? Qala an tusibahum fitna. Qu'une fitna, elle les touche. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, an tusibahum fitna wa hiya zayr. Et c'est l'égarement. Ayyadan billah. Celui qui délaisse les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il risque quoi? Zayr. Et que son cœur yuftan. Il tombe dans le fitna, ayyadan billah, et il s'égare. Ou yusibahum adabun alim. Ou qu'un châtiment douloureux les touche. Et là, chaque que le châtiment, ça touche celui qui délaisse une obligation. Vous vous rappelez les ahkam. Celui qui le délaisse, il risque le châtiment. Donc, le fait de risquer le châtiment, ça montre que ce qui est délaissé, c'est quelque chose d'obligatoire. Ça montre que l'amr à la base, c'est obligatoire. Il n'y aurait pas toutes ces menaces. أو يصيبهم عذاب أليم والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على الترك واجب. أي tu as deux choses. Tu as قوله أن تصيبهم فتنة et tu as قوله أن يصيبهم عذاب أليم. Ces deux choses, لا شك que c'est pour celui qui a délaissé une obligation. وإلا فcelui qui délaisse مثلا il jeûne pas le lundi et le jeudi. Est-ce qu'il risque l'égarement ou il risque un châtiment douloureux? Là, les madal, ce n'est pas obligatoire. قال فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق. Retenez ce mot. C'est important, on a الأمر المطلق. Ça fait sortir s'il y a un autre délil qui montre que ce n'est pas obligatoire. قال يقتضي وجوب فعل المأمور. Et il y a des autres adillah, lakin hadha yakfi, pour pas que ça devienne plus compliqué. Qala, donc, alhamdoulillah, on a fini le premier point, c'est obligatoire, c'est ça la base. Cheikh Ibn Uthaymeen, il va citer la deuxième mas'ala. Est-ce qu'on doit le faire directement ou pas? Thumma, il va citer des exemples pour montrer que ahyanan, tu sors de cette base. Ahyanan, non, c'est pas obligatoire. Ahyanan, tu n'es pas obligé de le faire directement. Qala wa min al-adillah ala annahu lil-fawr. الفور عرفوه بالشروع في الفعل امتثالا عقب الأمر الشروع في الفعل الشروع في الفعل ça veut dire appliquer l'ordre امتثالا bien sûr pour Allah subhanahu wa ta'ala عقب الأمر directement après l'ordre. مثلا si je dis mon enfant il est avec nous هنا مثلا et je lui dis قم قم et lève-toi. Est-ce que Wahed, l'enfant lui-même et vous, est-ce que Wahed il va comprendre qu'il doit se lever dans une heure? Là, comme c'est tout de suite. C'est ça la base. L'enfant il ne peut pas comprendre, il ne se lève pas et là je lui reproche et il me dit là, j'ai compris de l'ordre que ce n'est pas l'ilfour, je peux me lever dans un quart d'heure. Eh bien, comme c'est maintenant. Si je veux que ça ne soit pas maintenant, je veux faire une précision. Je vais lui dire comme. Après, je vais lui dire بعد نصف ساعة. Ou اخرج. Thomas, je veux le dire, entadir, ba'd sa'a. Et après une heure, tu sors. Alal, n'am, il y a une qarina qui montre que l'amr, c'est pas l'imtithal, et le fait de le faire, c'est pas tout de suite. J'ai cité une chose qui montre qui peut retarder, et l'application du fi'l. Fahada, qawluhum al-fawr huwa al-shuru' fi al-fi'l imtithalan aqib al-amr. Et tout de suite après l'ordre. قال ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات والمأمورات الشرعية خير. نعم التنافس وكذلك الاستباق إلى الخير. Ça c'est quelque chose de مهم dans notre din. On doit s'empresser de faire le bien. Et là chaque année les mأمورات c'est du bien. La salat c'est du bien. Le hajj c'est du bien. Le jihad c'est du bien. Le nasiha c'est du bien. Ça nous montre qu'on doit s'empresser à faire le bien. قال والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. نعم والأمر بالاستباق قوله فاستبقوا c'est un ordre. فاستبقوا الخيرات ça nous montre qu'on doit pas retarder le bien. Ça c'est الدليل من القرآن. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس فغضب عليه الصلاة والسلام. الحديث كما قال في الحاشية إليه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية de se raser et de sacrifier leurs bêtes. De se raser et sacrifier leurs bêtes. Et ils étaient à côté de Mecca. فتأخروا رضي الله عنه. Ils n'ont pas appliqué directement l'ordre. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة غضبان. Il s'est mis en colère et il est rentré chez أم سلمة, chez sa femme, une de ses femmes, رضي الله تعالى عنها. العلماء ils ont déduit من هذا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم et من باب أولى bien sûr أمر الله عز وجل la base c'est que c'est l'il-fawr وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم il ne serait pas mis en colère s'il aurait le temps enfin il aurait dit il y a le temps عليه الصلاة والسلام لكن là quand ils n'ont pas appliqué directement il s'est mis en colère عليه الصلاة والسلام ça montre que l'amr c'est l'il-fawr c'est ça la base قال ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها هذا سين تعليل طيب شيخ ابن عثيمين لا سيتي دي كوز pour montrer que المبادرة c'est le fait de s'empresser فاستبقوا الخيرات المبادرة قال بالفعل أحوط وأبرأ والتأخير له آفات لماذا؟ لأن tu sais pas est-ce que demain tu vas pouvoir faire هذا أم لا c'est pour ça que c'est أحوط tu vas préserver ton دين et كذلك tu vas t'écarter des آفات كم من الناس à cause d'une maladie ou d'une faiblesse ils peuvent plus faire certaines adorations qu'ils ont retardées et qui étaient obligatoires on peut citer on a comme exemple الحج الحج c'est واجب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سيب من أركان الإسلام يقول سيتي لفرسي ولله على الناس حج البيت donc c'est une obligation بالإجماع une fois dans la vie l'unanimité des savants أنه c'est obligatoire est-ce que c'est l'il-fawr أم لا notre مسألة l'il-fawr ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu as les moyens parmi les conditions pour que le hajj devienne obligatoire les moyens physiques et bien sûr à notre époque financiers Plus tu vis loin du haram, plus tu as besoin de moyens pour prendre l'avion, pour dormir, il a akhir. Si tu as les deux, la capacité physique et la capacité financière, le hajj, ça devient obligatoire. On est au mois de Rabi'a, al-Thani. Il reste quelques mois. Quelques mois pour le hajj. Le hajj, c'est vidé le hajj à la fin de l'année. Il reste 7-8 mois. Celui qui a la capacité, il est en forme physiquement et il a de l'argent. Est-ce que le Hajj qui arrive, on est en 1441, est-ce que le Hajj 1441 va être obligatoire pour lui ou pas? Al-Qawl al-Sahih, c'est que c'est obligatoire pour lui. Il doit le faire. Limadha, li'anna, peut-être qu'il va le retarder, et l'année prochaine, il n'a plus d'argent. Peut-être qu'il va le retarder, comme ils font, à cause de leur ignorance, ils pensent que le Hajj, c'est que pour les vieux. Ils pensent que tu as le temps, alors que c'est obligatoire. الدين c'est pas que pour les vieux الدين c'est pour les jeunes c'est pour les moins jeunes c'est pour les vieux c'est pour tout le monde الدين فبعض الناس et ربما vous en connaissez أنهم ils ont retardé le hajj alors qu'ils avaient les moyens financiers et physiques الآن ils ont atteint un certain âge ils peuvent plus faire le hajj لماذا لأنهم ils peuvent plus prendre l'avion لماذا لأنهم ils peuvent pas ça serait dangereux pour eux le monde la chaleur حتى ربما un médecin musulman Il lui dit, Anna, tu ne peux pas. Et Sahih, Ba'adhum, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas prendre l'avion, il va se déplacer comment? L'avion, il ne peut pas. Il ne peut pas aller en voiture, il ne peut pas aller en bateau, c'est trop pour lui. L'avion, le moyen de transport le plus simple, le plus rapide, c'est l'avion, il ne peut plus. Khalasa, il ne peut pas faire le hajj. Il est obligé de donner l'argent à quelqu'un qui fasse le hajj pour lui, alors qu'il pouvait au départ. Hada qawluhu alayhi rahmatullah wa ta'khir lahu afat. Et ha'oula, Ba'adhum, ils regrettent. Et ceux qui étaient ignorants, enfin. Ils ne savaient pas, alhamdoulilah, ils payent quelqu'un qui fasse le hajj pour eux. Ils s'entêtent, iyadam billah. Ils s'entêtent, et ils se font du mal qu'à eux. Pour ceux qui ont fait le hajj, ça demande des moyens physiques. Les vieilles personnes ou ceux qui sont malades, ils ont beaucoup de mal. Alhamdoulilah, l'insan, il est jeune. Il est capable de se déplacer facilement. Il est capable d'apprendre, de demander, d'aider les autres. Alhamdoulilah, il en profite. كذلك une autre chose et ça nous montre que في الحقيقة هذا التأخير c'est من الشيطان أن الإنسان si في الحج jeune est-ce que ça l'empêche de faire le hajj plus tard là fais le hajj jeune ton obligation ثم si tu peux faire le hajj tous les ans alhamdulillah tu peux le faire une fois tous les deux ans une fois tous les cinq ans une fois tous les dix ans tu peux le faire deux fois dans ta vie alhamdulillah enfin pourquoi se faire du mal à soi-même كذلك الحج celui qui revient Il revient comme le jour où sa mère l'a enfanté. Pour chaque salat qu'il fera fil haram al-Makki, les salats elles seront multipliées par 100 000. Et fil haram al-Madani, al-Madina, par 1000. فسي كو دو بيان فلماذا لماذا غوبوسي مع ان اون روفيان ان الصحيح سي كو سي اوبليغاتوار على الفور celui qui a les moyens fa il doit le faire sauf celui qui a une excuse celui qui a une excuse même s'il a les moyens là qu'il a une excuse fa hada ça dépend de l'excuse donc fais attention هنا c'est pas toutes les excuses qui sont acceptées نعم celui qui pendant des années peut pas faire le hajj à cause d'un simple travail c'est pas une excuse alhamdulillah le travail il y en a celui qui veut travailler il travaillera ça c'est pas des excuses لكن احيانا الانسان الى عذر شرعي فهذا tant qu'il est excusé falhamdulillah le jour où il a plus d'excuses il doit le faire قال وقد يخرج الامر عن الوجوب donc on a fini ان la base c'est الفورية donc c'est directement deux choses c'est obligatoire الامر les ordres c'est obligatoire c'est ça la base et on doit les appliquer directement à l'al-fawr, c'est ça la base. Al-an, il va citer deux points pour montrer que ahyanan, tu sors de cette base, c'est plus obligatoire, ou tu n'es pas obligé de le faire directement. قال وقد يخرج الأمر على الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب. الندب c'est le مستحب. الندب c'est le مستحب. Donc ahyanan, cet ordre c'est pas une obligation, lakin c'est quelque chose de recommandé. قال كقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم واشهدوا اذا تبايعتم تبايعتم c'est le bay, le commerce, واشهدوا c'est le fait de prendre des témoins. فالامر بالاشهاد على التبايع للندب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد. Donc النبي عليه الصلاه والسلام et comme la yakhfa, ses paroles et ses actes, ça fait partie de sharia. Fal nabi sallallahu alayhi wa sallam tabaya, le nabi sallallahu alayhi wa sallam ishtara plutôt farasan, il a acheté un faras, un cheval, min arabi ou lam yashhad, il n'a pas pris de témoin. Ça montre que celui qui fait du commerce, il vend ou il achète sans témoin, c'est permis. Lakin prendre des témoins, c'est mieux. لأن الله عز وجل قال وأشهدوا إذا تبايعتم قوله وأشهدوا سأمر سنغض وأشهدوا سأمر لكن tu as un دليل tu as un فعل du prophète عليه الصلاة والسلام qui montre que الفعل فعل الأمر الأمر هنا c'est pas للوجوب ça serait obligatoire النبي صلى الله عليه وسلم il aurait pas délaissé les témoins si النبي صلى الله عليه وسلم il les a pas délaissés ça montre que ce أمر il descend du niveau de l'obligatoire un niveau inférieur recommandé. Fahada. Avec cet exemple, on se répète, tu comprendras l'importance de l'usul. Il y en a beaucoup de nas, ils prennent qu'un dalil et pensent qu'il n'y a que ce dalil dans le mas'ala. Et Rabbama Wahid, il va lire ce verset, il va dire wa ashhidu idha tabayatum, il va savoir que l'amr c'est le wujub, il va dire c'est obligatoire. C'est pas comme ça l'ilm. L'ilm c'est khassatan fi. في المسائل importante ou en nawazil, tu dois rassembler l'adilla. Andur huna, tu as plusieurs adilla, tu as un dalil qui montre que c'est un ordre, et l'ordre là-bas c'est l'obligation, et tu as un dalil qui montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas fait. Les ulama ils vont déduire anna hadha al-amr sili al-istihbab. Lakin mushkila, on vit à une époque à cause de l'ignorance et la précipitation, ba'dhum, un dalil. Allahu alam, est-ce qu'ils ont compris amla, et ils vont baser des masail dessus alors qu'il y a des autres adilla. Ça montre l'importance de revenir à Ahlul Ilm. Les Ahlul Ilm, wallahi alhamd, ils ont étudié l'Adilla, ils ont étudié le Coran, et connaissent que dans tel masala, il y a tant de preuves. Thumma, après avoir rassemblé les preuves, les étudier, voir l'authenticité, ils vont citer un hukm, un jugement. Thaniyan al-ibaha. Al-ibaha, c'est la permission. Taqaddam ma'ana hada dans les ahkam, ahkam shara'iyya, al-wujub, al-nadm, al-ibaha, al-karaha, al-tahrim. Donc ça peut être un amr et c'est l'ibaha. C'est pas une obligation. C'est pas quelque chose de recommandé, c'est quelque chose de permis. قال واكثر ما يقع ذلك اذا ورد بعد الحظر او جوابا لما يتوهم انه محظور. On lit l'exemple pour que ça soit plus clair. مثاله بعد الحظر قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. الحظر c'est ne pas faire telle chose. Et telle chose, elle n'est pas autorisée. C'est ça le hadr. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala harram al-istiyad et l'insan, il est muhrim. C'est interdit de chasser en période d'ihram. قال عز وجل وإذا حللتم. Et si tu sors de al-mahdour, cette période où tu ne peux pas chasser, c'est al-ihram. Si tu sors de cette période, tu n'es plus en état d'ihram. وإذا حللتم فاصطادوا. Tu as le droit de chasser. تأمل قوله فاصطادوا. Qu'est-ce que tu remarques? عندما c'est un fi'l amr. فاصطادوا. Tu comprends quoi de l'amr à la base? Que c'est une obligation. Est-ce que هنا, quand tu sors de l'ihram, c'est une obligation de chasser? Abadan. Personne dit هذا. Pourtant, tu as fi'l al-amr. Enfin, les ulama, ils ont cité une règle. Anna, après le hadr, c'est l'ibaha. Et en fait, c'est pas tout à fait comme ça la règle. Lakin ala qawl Cheikh Ibn Uthaymeen, si on reprend, wa akthar ma yaqa' dhalik idha warada ba'd al-hadr. Donc, si tu as une chose qui n'est pas permise, مثلاً, tu n'as pas le droit de chasser en état d'ihram. Thumma, tu as amr après, هذا, ça montre l'ibaha. Il y a une règle, en fait, plus vaste qu'on peut citer هنا, wa hiya, anna al-amr yuhmal ala ma kana alayhi qabla al-nahi. الأمر يحمل على ما كان عليه قبل النهي. مثلا on garde notre exemple de la chasse, le verset وإذا حللتم فاصطادوا. Avant que tu rentres en ihram, on peut prendre un exemple, l'ihram ça commence demain مثلا. On est يوم السبت samedi, l'ihram ça commence, tu vas te rentrer en état d'ihram demain يوم الأحد. Avant demain, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est quoi hukmu al-istiyad pour toi? Indaman. En état d'ihram, c'est permis de chasser? Là. Aujourd'hui, c'est quoi hukmu de la chasse pour toi? C'est permis, c'est mubah. Donc la règle, c'est avant ce qui était le hukmu de avant l'interdiction, ça devient le hukmu après, c'est le même. Mafhoum? Donc, on revient. Avant al-ihram, c'est permis de chasser. Thumma, tu as une période, c'est interdit. En état d'ihram. Thumma, c'est fini cette période. Le hukm, il revient à ce qu'il était avant. Avant, al-ihram, c'était permis, donc c'est permis. Hadi, c'est la règle. On peut citer un autre mithal pour montrer que ce n'est pas que pour l'ibah. Ça dépend comme c'était avant. Maintenant, le قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قوله فزوروها, c'est un amr. Est-ce que c'est obligatoire de visiter les tombes? Là. Ce n'est pas obligatoire. فهنا, comment savoir le hukm de Fazourou? Tu regardes le hukm avant l'interdiction. Bah, de l'ulama, yaqulouna, avant l'interdiction, c'était mustahab de visiter les tombes. Thumma, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aura interdit pour fermer la porte. Il y en a au départ, al-tawhid, il n'était pas encore propagé, il a agré. Fa, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fermé le bab. Interdiction de visiter les tombes pour tout le monde. Quand ils ont appris tawhid s'est propagé, il a agré. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kuntu nahaytukum an ziyarat al-qubur. À une période déterminée. Avant cette période, c'était mustahab. قوله فزوروها, ça revient mustahab. فهنا الأمر, c'est l'istihbab. Donc la règle, c'est أن الأمر après le hadr يرجع إلى ما كان عليه قبل الحضر. الحضر, c'est l'interdiction هنا. Ou que ce n'est pas autorisé. On répète son kalam الآن. ثانيا الإباحة وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحضر. On a cité deux exemples. L'interdiction de chasser pendant l'ihram et l'interdiction de visiter les tombes. Ça, c'est minal hadr. Ce n'était pas permis à une certaine période. قال أو جوابا لما يتوهم أنه محظور سيأتي إن شاء الله. قال مثاله بعد الحضر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. حللتم, أي si vous êtes halal, أي vous n'êtes plus en état d'ihram. قال فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحضر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. Ça c'est pour montrer الحضر غير محل الصيد. Vous n'avez pas le droit de chasser. وأنتم حرم, et vous êtes en état d'ihram. Donc vu qu'avant l'interdiction c'était permis, après l'interdiction, ça redevient permis. Tu reviens à ce qui était avant. Et on a cité un exemple avec Al-Istihbab. Qala wa mithaluhu, deuxième cas. Wa mithaluhu, deuxième cas, on répète de l'ibaha. Ay l'amr, et fil haqiqa, c'est un ordre, lakin, c'est permis. Wa mithaluhu jawaban lima yutawaham annahu mahdur, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, if'al wala haraj. If'al wala haraj. Fahada, c'est un jawab. لما يتوهم أنه محظور. أي في الحج quand النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الحج بعض الصحابة رضي الله عنهم ils lui ont posé certaines questions pour savoir si ce qu'ils ont fait c'était correct ou pas. مثلا واحد il lui a demandé يا رسول الله j'ai fait الطواف avant النحر تقديم الطواف على النحر وأطخ أي الأعمال bien sûr هنا العلماء يبخزيز الأعمال qui sont faites le jour de النحر العاشر من ذي الحجة quand il y a الطواف il y a الرمي il y a النحر il y a beaucoup de choses à faire. فهنا التقديم النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج قوله افعل c'est un أمر c'est pour montrer الإباحة أي c'est permis il n'y a pas de mal. قال في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض هنا une précision قوله الشيخ ابن عثيمين التي تفعل يوم العيد c'est important أن النبي صلى الله عليه وسلم il a autorisé certaines choses مثلا واحد le dixième jour il y a beaucoup d'a'mal à faire مثلا il fait tawaf ثم il vient il sacrifie il ne fait pas l'inverse النبي صلى الله عليه وسلم قال يفعل ولا حرج في هذا الحال il n'y a pas de mal, mais bien sûr, le mieux, c'est de respecter l'ordre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité. Mais si quelqu'un avance au Qatam, il n'y a pas de mal. Certains gens se disent, et dans le Hajj, ils font à peu près ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et ils disent, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, fais-le ou la haraj. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, fais-le ou la haraj pour ce jour. Un homme qui ne va pas à Arafah, il n'a pas de Hajj. Un homme qui commence à avancer ce qu'il veut, à retarder ce qu'il veut, c'est là. C'est là, il est en train de se faire, surtout quand il est النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة لكن ce jour-ci vu qu'il y a beaucoup de أعمال à faire فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج فقوله افعل c'est للإباحة أي c'est permis لكن c'est mieux de faire dans l'ordre. قال ثالثا التهديد التهديد tu peux traduire par c'est une menace un أمر et في الحقيقة c'est une menace كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور أو فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد قوله يعملوا ما شئتم يعملوا سنفع الأمر لا باسك سي أوبليغاتوار لكن personne ne comprend من هذا يعمل ما شئتم c'est une obligation de faire ce que vous voulez et tu fais ce que tu veux أبدا هنا c'est للتهديد أي c'est une menace يعمل ما شئتم أي faites ce que vous voulez ثم assumez les conséquences du châtiment قال يعمل ما شئتم إنه بما تعملون بصير أي Allah il vous voit ça ne veut pas dire que on fait ce qu'on veut. Le deuxième exemple فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قوله فليكفر c'est un أمر personne ne va comprendre c'est une obligation de sortir de l'islam عياذا بالله لكن هذا c'est للتهديد فلهذا قال عز وجل إنا اعتدنا للظالمين نارا أي on a préparé pour les injustes pour les kuffars le feu ça montre que في الحقيقة ils n'ont pas le choix et العجيب في هذا العصر à cause de l'ignorance أن البعض ils utilisent ce genre de verset pour montrer la liberté tu es libre. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui ne veut pas croire, il ne croit pas. Et al-Zalama, ils ont négligé volontairement de ne pas citer la fin du verset. Il y en a celui qui comprend le verset. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ S'il comprend la fin, إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا Est-ce qu'il va choisir le kufr ? أَبَدًا لِمَاذَا لِيَنَا يَا لُشَّاتِمَنْ دُفَرْ Ça montre أن الله عز وجل هنا il a cité سيرة الأمر c'est من باب التهديد c'est une menace. Et si vous choisissez le kufr, préparez-vous au châtiment. Et tu trouves Az-Zairin, un cite ce genre de verset pour montrer Allah il a laissé le choix. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui ne veut pas croire, il ne croit pas. Et ils n'ont pas cité Allah Azzawajal, il a promis, il a menacé celui qui ne croit pas du feu. Et Al-Aqil, est-ce qu'il veut le feu ? Abadan, celui qui est doué de raison, il ne veut pas le feu pour lui-même. Lakin hakada az-zandaqa wa nifaq yadam billah. Hada ça arrive kadhalik. On prend toujours l'exemple de l'enfant. Tu dis à ton enfant, arrête. Ihda. Matalan, il fait du bruit. Matalan, il y a un enfant avec nous, l'un. Il fait du bruit, on lui dit, arrête. Qif. Matalan, tu ne veux pas qu'il sorte. Il ne t'écoute pas. Thumma, tu t'énerves et tu lui dis, if'al ma turid. Fais ce que tu veux. Est-ce que ça veut dire quand tu dis « fais ce que tu veux » Anahu, il peut faire ce qu'il veut. Abadan. Même l'enfant, il ne va pas le comprendre comme ça. Là. « Hada semim bab, fais ce que tu veux, thumma, assume les conséquences. » Est-ce que quelqu'un va comprendre « fais ce que tu veux » L'enfant, il va être content et il va commencer à faire ce qu'il veut. Abadan. Lakin, ba'd an-nas la yafhamoun la lugha wa la usul, et en plus, ils ont une mauvaise intention. C'est pour ça qu'on arrive à un niveau, iyadun billah, dans l'égarement à notre époque. Annal ba'd yisit ce verset, wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, pour montrer à l'insan, il est libre de croire. Ou de ne pas croire, iyadun billah. Ka qawlihi azza wa jalla, lakum dinukum wa liyadin. Ba'dhom, ils ont compris là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a démontré. On a notre religion, et nous les croyants, et les koufars, ils ont leur religion. Et tu respectes ta religion, tu respectes la leur. Tu aimes ta religion, tu aimes la leur. Les anahaoula, ils ne comprennent pas de din. C'est pour ça que c'est très très important de revenir au salaf. Fi had al-bab. Les anabab al-usul, si hadhihi al-usul, elles ne sont pas appliquées à la tariqati salaf, fa ba'd an-nas, iyadun billah, ils les utilisent pour l'égarement. Mathalan, واحد qui a compris l'usul, il va dire فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Il peut démontrer ان هذا من باب كذا, et on a le choix الى اخره. Là, si tu as compris l'usul à la tariqa de la sunna, فليكفر, c'est من باب التهديد, c'est une menace. Il y a l'importance de revenir à اهل العلم et al muhaqqiqin minhum min اهل السنه, et faire attention aux égarements, yadam billah. قال ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. Première exception qu'on a citée, أن الأصل, ça peut, tu peux sortir de l'obligation à quelque chose de مستحب, alors que c'est un ordre, ou quelque chose d'autorisé, ou c'est من باب التهديد, c'est une menace. Les trois points qu'on a vus, c'est les exceptions pour faire sortir le أصل de sa base, qui est l'obligation. Deuxième point, ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. Aïe, la base dans l'ordre, c'est الفورية, aïe, que tu dois appliquer directement, lakin, dans certains cas, c'est l'التراخي. التراخي, c'est le contraire de الفورية, aïe, tu as le temps. مثلاً, on peut reciter un exemple, tu dis, اذهب وانصح فلان, ثم tu rajoutes غدا. اذهب وانصح فلان. Thomas, tu dis Radan. Ou tu dis Ba'd Usbu'. Je te dis maintenant Ba'd Usbu'. Idhab Wansah Fulan. Idhab Wansah, c'est un Amr. Normalement, c'est l'Ilfawriya tout de suite. Lakin, on a dit Radan. Il y a une Qarina qui montre le temps dans une semaine ou demain. Qala wa yakhruj al-amr anil-fawriya ila al-tarakhi mithaluhu qada'u Ramadan. Fa'innahu ma'mur bihi. Lakin, dalla al-dalil ala annahu lil-tarakhi. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث كما في الحاشية إلى في الصحيحين. رمضان سين أوبليغاسيون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام, كتب أي فرض, سين أوبليغاسيون pour chaque مؤمن. Celui qui a une excuse, فالحمد لله, il est tombé malade 3 jours, enfin pendant 3 jours il ne jeûne pas. Hada, c'est clair. Ces 3 jours qu'il a manqué, c'est une obligation. L'obligation, c'est un mois. Et ouais, il a fait un mois sauf 3 jours. Ces 3 jours, ça reste obligatoire. On revient. On a l'obligation, al-amr bussiya, c'est al-al-fawr. C'est ça la base. Donc, normalement, la base, notre base qu'on a, c'est qu'il est tombé malade 3 jours. Ramadan est fini. Thumma, tu as le premier jour de Shawwal, c'est l'Eid. Et l'Eid, c'est haram de jeûner. Il n'a pas le droit de rattraper ce jour-là. Après l'Eid, à l'Al-Qa'ida, il doit rattraper 3 jours directement. C'est-à-dire le deuxième jour de Shawwal, le troisième et le quatrième, il doit faire le siyam. Ça, c'est selon notre règle. Lakin, on a un hadith, an Aisha radiyallahu anha, qalat, kana yakun alayya sawm min Ramadan. Aisha radiyallahu anha, elle manquait des jours de Ramadan. Comme toutes les femmes qui sont touchées par les menstrues. En général, si les menstrues sont cyclées, tombent pendant Ramadan. Enfin, elle manquait des jours. قَالَ فَمَا أَسْتَطِعَ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَنْ. Elle rattrapait ces jours qu'au mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, c'est le mois qui est avant Ramadan. Donc toute l'année, elle ne rattrapait pas les jours. Elle les rattrapait avant Ramadan. Pourquoi? قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il avait certains besoins, il ne pouvait pas faire ça. المهم النبي صلى الله عليه وسلم il savait هذا. Ça serait obligatoire. على الفور il lui aurait dit tu fais les trois jours. Je fais les trois jours et après, alhamdoulilah. Ça montre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tué et il savait, ça montre que qadha, Ramadan, c'est pas al-fawriya. Donc, tu as un exemple, tayyib. Donc, celui qui manque Ramadan, il manque quelques jours, l'essentiel, c'est qu'il le rattrape avant Ramadan prochain. Mais celui qui ne rattrape pas et Ramadan suivant, il est rentré, il a manqué un wajib et il doit les rattraper. Il y a des autres exemples là qui. On essaye de laisser simple. قال ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. نعم, si ça serait haram, أي l'obligation de rattraper, ça serait على الفور, le Nabi صلى الله عليه وسلم lui aurait montré. لكن, et c'est ça qui est muhim dans ces durous, c'est tu retiens bien les bases. Tu as un exemple, قضى رمضان, c'est pas l'الفورية. Tout le reste, c'est l'الفورية, les autres. Tu dois les faire directement. Sauf si tu as un dalil qui montre qu'il y a le temps. On a cité l'exemple du Hajj, c'est directement. La salat, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala amara nabi salat, on doit la faire à l'heure. On ne doit pas repousser sans raison. Mais babi, ou la faire sortir de l'heure, ayyadam billah. Ba'dhum, maintenant, ils rattrapent les 5 salawat la nuit. Là, ces salawat, elles sont des conditions. Parmi les conditions, l'heure. Et c'est un ordre de les faire à l'heure. Enfin, celui qui les rattrape le soir, il a un khatr azim. Limada, liana, al-ibadat, elles sont basées sur ce genre de règles. L'intention, tu as l'heure, tu as la façon de faire, tu as est-ce que tu peux retarder amla, toutes ces choses. Amma al-hawa, iyadam billah, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, c'est très très grave. On finit avec le dernier bab. أو la dernière mas'ala, قال ما لا يتم المأمور إلا به. Ça, c'est une règle importante في الفقه. On la détaillera pas, on va lire فقط avec une explication simple. وإلا cette règle, inshallah ta'ala, on la verra dans un livre sur les règles. Et on a expliqué au début du livre la différence entre al-qawa'id, les règles dans le fiqh, et al-usul, les fondements. Ce livre qu'on étudie, l'un, c'est un livre de usul. Et il y a des livres, tu as un exemple, une qaïda qui est liée au amr. Et l'ulama, il la cite via le bab, un bab al-tambih. قال ولا يأتم المأمور إلا به إذا توقف فعل المأمور به على الشيء كان ذلك الشيء مأمورا به فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. Si, pour faire, pour appliquer un ordre, tu es obligé de passer par une autre chose, enfin, cette chose, كذلك il l'appelle al-wasila. Al-wasila laha hukmu, ou al-wasail laha ahkam al-maqasid. Enfin, cette wasila, ce moyen de faire, il prend le hukm de l'ordre. Ta'amal les exemples. Maintenant, si cet ordre, il est wajib. Léana, alhamdulillah, après cette étude, on sait que l'ordre, ça peut être obligatoire, et ça peut être كذلك recommandé. Un ordre, c'est pas forcément obligatoire. La base, c'est que c'est obligatoire. Maintenant, un ordre wajib. قال, مثال الواجب, sitru al-awra. Se couvrir les parties intimes fils salat, c'est obligatoire pour l'homme. Naam, et كذلك pour la femme. Et la femme, elle doit se couvrir encore plus. Fa sitru al-awra, c'est obligatoire. Fa idha tawaqqafa ala shira' thawb, kana dhalika shira' wajiban. Wahed, on qaddar, il est dans un endroit, il a plus de vêtements, il doit faire salat. Il a de l'argent, il y a un endroit pour acheter des vêtements. Il est obligatoire pour lui d'acheter des vêtements pour qu'il se couvre et qu'il fasse salat. Mais vous, elle m'a acheté des vêtements à la base, c'est pas obligatoire. C'est quelque chose de moubah. Si c'est des vêtements halal. Fafi hadal hal, ça devient obligatoire. Limada li anna acheter les vêtements, c'est une wasila pour faire la salade, pour appliquer l'ordre. Cette wasila, ce moyen pour faire la salade obligatoire, le moyen devient obligatoire. Fal wasail laha ahkam al maqasid. Maintenant, les moyens de transport pour le hajj. Wahad dit, je veux faire le hajj. Et on lui explique, il a arrêté, il dit la kinana, je ne paye pas les moyens de transport. Là, vous avez dit le hajj c'est obligatoire, là je ne paye que pour faire le hajj. Les moyens de transport, je ne paye pas. On lui dit, abatan. On lui dit le hajj c'est obligatoire, vu que tu vis loin, tu es obligé de prendre un moyen de transport, enfin tu es obligé de payer imma l'avion, imma en voiture, imma en bateau, al-muhim, tu es obligé de prendre un moyen de transport. Pour faire l'obligation, tu es obligé de te déplacer. Ce déplacement, il devient obligatoire. Ça, c'est une qaïda nafi'a jiddan. L'exemple fil mustahab, قال ومثال المندوب التطيب للجمعة. Mettre du parfum يوم الجمعة, c'est une sunna. فإذا توقف على الشراء طيب كان ذلك الطيب c'est le parfum. كان ذلك الشراء مندوبا. Si tu n'as pas de parfum chez toi et tu veux appliquer cette sunna, fait le fait d'acheter du parfum, c'est recommandé fi haqqik. لماذا لأن en mettre c'est recommandé. Donc l'acheter c'est recommandé. Tu ne peux pas en mettre que si tu en l'achètes. Donc l'acheter dans ton cas, c'est recommandé. قال وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. Et ça, c'est من القواعد الكبرى. الفقه, il est fondé sur des قواعد. Et parmi ces قواعد, il y a des قواعد, il les appelle قواعد الكبرى. Et c'est les fondements. Et parmi ces fondements, cette règle. الوسائل لها أحكام المقاصد. C'est les moyens, et le maqasid, c'est la chose elle-même. Enfin, si les moyens pour faire une chose obligatoire, tu es obligé d'avoir ce moyen est obligatoire. S'il est recommandé, enfin, le moyen il est recommandé. S'il est haram, enfin, le moyen il est haram. Et cette qaïda, il y a beaucoup de ahkam qui rentrent sous cette règle. فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها. Si c'est une wasila qui emmène un haram, c'est haram. Si c'est un moyen qui emmène au halal, c'est halal. Si c'est un moyen qui emmène à une obligation, c'est obligatoire. وهكذا. الحمد لله هذا الباب il est مفيد. Et en le résumant quelques mots, أولا la définition قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. C'est le fait de faire, ou c'est une demande de faire un acte على وجه الاستعلاء. مثلاً le père à l'enfant, le shir à son élève. Et هذا التعريف, apprenez-le, ça va être votre base pour tout le dars. ثم il a cité صيغ الأمر, la principale et la plus connue c'est فعل الأمر. أقيم الصلاة, c'est un ordre. ثم il a démontré il y a des autres choses, des autres points, des autres domaines où tu peux comprendre l'amr autre que les formulations qu'il a citées. مثلاً غسل الجمعة واجب على كل مسلم. Tu comprends, même s'il n'y a pas une des quatre, tu comprends que c'est un ordre, vu que c'est obligatoire. Si c'est une obligation, c'est que tu dois le faire. ثم il a cité un al-amr, ça va impliquer deux choses. Ça va impliquer que c'est une obligation, et ça va impliquer que tu dois le faire directement. Tu as ces deux bases. ثم il y a des choses qui vont faire sortir de ces bases. أحيانا l'amr, il est recommandé, il n'est pas obligatoire. Si tu as un délil qui montre que ce n'est pas obligatoire, que c'est recommandé, et ahyanan, cet ordre, tu n'es pas obligé de le faire directement. Si tu as un délil qui montre que ça peut attendre, comme le fait de rattraper le siyam, on a un délil que c'est permis jusqu'à le mois de Sha'ban, et avant le mois de Ramadan suivant. Thumma, il a conclu en citant une règle, fi al-ma'mour, c'est lié au amr donc, an ahkam, ou al-wasa'il laha ahkam, al-maqasid. Et si pour faire un ordre, on est obligé d'utiliser un moyen, enfin le moyen, il prend le jugement de l'ordre. S'il est obligatoire, le moyen devient obligatoire. S'il est recommandé, enfin le moyen devient recommandé. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يعيننا. نكتفي بهذا القدر والحمد لله. Réviser, et celui qui a un ishkal ou qui a besoin de quelque chose, enfin il le note et on verra ensemble la semaine prochaine بإذن الله.